Ce visiteur assidu de la montagne s'appelait M. de Vaudran. C'était un homme de 50 à 60 ans. Il était le 5e fils d'une nombreuse et remarquable famille de notre pays, appelée la famille des Bruys. On apercevait la maison de cette famille patriarcale, entourée de terrasses et de parterres, au pied de la montagne de Monsard, au bord d'une route poudreuse d'un côté, au bord des prés, des petits bois et d'un ruisseau de l'autre côté. Cette famille avait essaimé plusieurs de ses fils avant la Révolution à Paris dans les plus hautes charges de la monarchie. L'aptitude de cette race aux affaires ou aux lettres était proverbiale dans nos contrées. Les sœurs n'étaient pas moins distinguées de caractère et d'esprit que les frères. La dernière de ses sœurs vit encore, âgée de 95 ans, dans la même maison que je vois blanchir d'ici à l'époque où j'écris ces lignes. Elle n'a rien perdu de sa grâce de cœur et de son sourire d'esprit. Elle a usé le temps qui ne l'use pas. Elle est comme un jalon vivant du passé, laissé dans le domaine et sur les tombes de ses frères et de ses sœurs. Tout le pays aime à la retrouver le matin où il l'a laissée le soir.